أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ. Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin et en sont-ils témoins ? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. Certes, ils disent dans leurs mensonges. وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils ? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Qu'avez-vous donc à juger ainsi ? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Ne réfléchissez-vous donc pas ? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ. Ou avez-vous un argument évident ? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien que les mécréants vont être emmenés pour le châtiment. Subhanallahi amma yasifoun. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. En vérité, vous et tout ce que vous adorez. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. Ne pourrez tenter personne. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. Excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. Nous sommes certes les rangés en rang. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. Et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire d'Allah. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. Même s'ils disaient لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ils y ont mécru et ils sauront bientôt. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers. إنهم لهم المنصورون. Que ce sont eux qui seront secourus. وإن جندنا لهم الغالبون. Et que nos soldats auront le dessus. فتول عنهم حتى حين. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps. وأبصرهم فسوف يبصرون. Et observe-les, ils verront bientôt. أفبعذابنا يستعجلون. Quoi ? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter ?